Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage spécial Médiathèque de Montlouis. Et pour cette émission de cinéphage, je serai accompagné d'Élodie, la responsable de la médiathèque Stéphane Hessel, avec qui nous allons évoquer ses goûts cinématographiques dans un premier temps et faire connaissance avec les services de la médiathèque en rapport avec le cinéma et son fonctionnement dans un second temps. Bonjour Élodie. Bonjour. Eh bien, peux-tu nous parler de ta profession exacte ? Alors oui, c'est vrai parce que donc directrice de médiathèque, en fait, ça englobe plein de choses. Donc à la base, je suis surtout bibliothécaire. Donc je manage une équipe de 6 personnes. Donc je m'occupe autant de la programmation culturelle, donc de toute la gestion des animations, mais également je suis responsable des collections, donc des acquisitions qui sont faites par les collègues. Et je vais m'occuper aussi de l'aspect plus administratif et financier. Donc, tu restes en contact avec le réel, on peut dire. Oui, avec le public. Oui, le travail de bibliothécaire classique. Mais à côté, oui, il y a toutes les relations avec les instances, avec tout ce qui est paiement, budget et compagnie, c'est je pense. C'est ça, voilà. Je pense que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Non, ça, c'est sûr. Surtout qu'une médiathèque comme Montlouis qui est vraiment active, donc c'est du travail, je pense. Et justement, vous êtes 6 pour gérer un peu tout. Il y a des domaines spécialisés ? Oui, alors on a chacun des domaines dont on a la charge en fait à la médiathèque, même si on travaille en commun. C'est vrai que par exemple, y a Héloïse qui s'occupe de la musique, je n'ai pas du tout ses compétences, ou Nicolas qui est plus sur le cinéma, le numérique. Donc là, voilà, on a chacun après des domaines. Il y a aussi une collègue Maude qui s'occupe de la jeunesse. Enfin, on a tous nos spécificités, mais c'est vrai que on va travailler en commun. C'est l'avantage aussi d'être une équipe de 6 personnes. Alors, sinon, quelles sont tes autres passions ou hobbies dans la vie ? Alors, évidemment, un qui me paraît évident, il y a la lecture. Hein, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais mes passions, alors, il y a essentiellement l'art. Moi, j'aime beaucoup visiter des musées et des expositions temporaires. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vais régulièrement à Paris. On a la chance d'être proches. Là, il y a 2 jours, j'ai été voir l'exposition de Tom Wesselmann à la Fondation Louis Vuitton sur le Pop Art. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, en tout cas, l'art. Et j'aime beaucoup voyager. Donc, c'est une autre passion. Et notamment en Méditerranée, j'ai presque visité toutes les régions d'Italie. Ah oui, donc... et puis, en fait, l'Italie aussi, c'est le pays des arts. Donc, au niveau des musées, où historiquement, ça a été aussi très intéressant. Ben, on dit toujours que c'est un musée à ciel ouvert. C'est vrai qu'il suffit de se promener dans les villes et c'est très riche. Donc, j'aime beaucoup et ça se... c'est même, oui, toute la culture, le cinéma, ça va être aussi plein de choses, en fait, la littérature. La gastronomie aussi. Oui, alors ça, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Sinon, là, on va revenir au thème. Quel est ton premier souvenir de cinéma ? Alors, en fait, je ne me souviens pas du premier film que j'ai vu au cinéma. Ça, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que le premier film qui m'a marqué, en tout cas, au cinéma, c'était Titanic. Je pense que ma génération, on a tous vu ce film. Moi, je l'ai vu 2 fois au cinéma. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir ressenti vraiment une grande émotion. Enfin, j'avais été vraiment touchée par cette histoire alors que j'étais plutôt jeune, hein, petite, hein, parce que je crois que j'avais 8 ans. Donc, on allait très tôt voir ce film. Et c'était aussi peut-être le souvenir de ces beaux cinémas. Enfin, moi, j'aimais beaucoup les cinémas en centre-ville où il y avait encore le fait qu'il y avait la dame qui distribuait les bonbons, tout les ça, glaces, les glaces. Il y avait ce côté un peu petit cinéma que je trouvais quand même qui était Oui, par rapport au nouveau complexe. Où c'est plus aseptisé. Ouais, j'aimais bien quand même j'aimais bien cet aspect. Alors, quel est ton format favori de cinéma ? T'es plutôt 3D, noir et blanc, VO, numérique ou traditionnel ? Alors, j'ai pas vraiment de format en fait préféré. C'est vrai que j'aime bien aussi les beaux films en noir et blanc. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je vais, par exemple, la 3D, je vais y aller voir le film s'il y a vraiment un apport. Enfin, parce que de voir la 3D pour de la 3D, ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, je vais être plus sensible aux films en VO. Des fois, je trouve que c'est plus important, notamment les films italiens. Déjà, je comprends assez bien l'italien. Et c'est surtout qu'avec tous les dialectes qu'il peut avoir en Italie, en fait, on perd avec la traduction. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Et par exemple, moi, j'adore les films de Woody Allen. Et je trouvais que la voix française de Woody Allen était absolument horrible. Enfin, donc du coup, je préfère aller voir les films en VO. Ouais. Oui, non, mais en plus, on a la chance hein, en Touraine d'avoir au moins les cinémas studios et les CGR Centre qui sont nos partenaires et qui passent de très bons films en VO et avec des bons doublages. Oui, c'est vrai. Mais c'est accessible justement aux deux publics et c'est vrai que c'est un progrès. Mmh. Puis maintenant, bien sûr, sur les différentes chaînes de télé, on peut accéder aussi à du sous-titrage. Donc, et voir des films en VO, c'est assez sympathique. Et je te rejoins pour la 3D, il faut vraiment que ça nécessite. Bon, ça a été un engouement financier, on peut le dire. Hein. On vendait les lunettes, on vendait le film. Mais pour avoir vu de nombreux films soi-disant 3D, sachant qu'il y a 15 minutes en réalité, les yeux ne supportent que 15 minutes de 3D. Mm. Donc, c'était un petit peu un gadget. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'un film comme Avatar, par exemple, nécessite la 3D et c'est justifié. Mais bon, il y a eu trop de films non justifiés pour moi. Oui, je crois qu'il y en a un que j'avais bien aimé, c'était Gravity. J'avais trouvé que vraiment, là, c'était vraiment bien la 3D. Et je crois que c'est le seul film que j'ai vu en 3D. Alors, je n'en ai pas vu beaucoup aussi, mais que j'ai trouvé vraiment pertinent dans ce format. Ouais, c'est ce que je disais, moi, pour avoir vu pas mal de films et de différents genres, oui, c'était vraiment un gadget. Alors, vaste question, que représente le cinéma pour toi ? Alors, c'est vrai que c'est difficile, en fait, cette question. Alors, il y a un côté... moi, je trouve que ça transporte, en fait, dans un univers. C'est vraiment quelque chose qui nous emmène. Et, par exemple, c'est vrai que j'aime bien, quand j'ai lu un livre, voir l'adaptation au cinéma pour voir, en fait, si le cinéaste a eu la même vision que moi de certains lieux, certains personnages. Donc, pour moi, c'est aussi un lien avec tout ce qui est assez chic, un côté un petit peu de rêve. Et des fois, je me dis... ça fait du bien, en fait, dans le monde actuel dans lequel on vit, en fait, d'avoir un peu ces bulles, ces parenthèses. S'échapper du quotidien. C'est vrai que c'est ce qu'on demande aussi au cinéma. Hein, de nous faire rêver. Même, c'est vrai que le cinéma français, on a tendance à faire beaucoup de télé-réalité, entre guillemets, hein, pas la soupe qu'on nous sert sur la télé, mais je veux dire, voilà, des scènes du quotidien. Bon, des fois, on arrive à faire des feel-good movies, ce qu'on appelle, mais il y a des fois, aller au cinéma pour voir quelque chose qu'on peut vivre tous les jours, ça ne demande pas forcément le grand écran. Non, c'est vrai. Alors maintenant, on va passer à... Quels sont ton ou tes trois films préférés ? Alors, c'est pas si évident parce que finalement, en fait, je me rends compte qu'il y a des périodes aussi. Il y a des films que j'aime beaucoup et que, voilà, je vais dire ça, c'est mon film préféré. Et puis après, ça change. Et je me rends compte, en fait, que les films qui nous touchent ou qui nous marquent le plus, ce sont ceux, en fait, de notre adolescence. C'est un peu comme la musique, en fait. C'est ceux qu'on se souvient un peu toute notre vie. Et alors, moi, un film qui m'a beaucoup marqué, alors j'aimais bien ces films qu'on appelait les films du dimanche, qu'on regardait, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les policiers des années 80, 90. Et j'aimais beaucoup Le Professionnel. C'était un film que j'aimais beaucoup. Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand on les revoit, ces films, des fois, il y a des choses qui nous énervent un petit peu, etc. Mais je trouve qu'il y avait une vraie critique du monde politique, en fait, parce que quand même, c'était assez... Le Professionnel, justement, c'était vraiment... on montrait les magouilles politiques. Mais oui. Ce qui se passe. Puis d'ailleurs, ça n'a pas trop... Oui, je trouve qu'en fait, sur ça... Malheureusement, ça n'a pas changé. Hein, c'était toujours aussi... C'est glaçant, toujours, quand même, sur ça. C'est toujours d'actualité. Hein, la corruption de certains pouvoirs. L'abus, même. On peut dire carrément l'abus. Oui. Pour cacher des affaires plus ou moins louches. Et Jean-Paul Belmondo était excellent, d'ailleurs. Cette espèce d'incorruptible, on peut dire. Hein. Au départ, il est... au service, mais il va se rebeller contre ce système. Oui, puis il y a des dialogues qui sont, enfin moi, que j'aime beaucoup. Et puis il y avait aussi ce jeu avec Robert Hossein qui fait vraiment un pourri, alors qu'en fait, moi, je l'avais adoré dans Angélique, donc je n'aimais pas qu'il se fasse le méchant. Donc non, c'est vrai, il y a ça des fois aussi. C'est à ça qu'on reconnaît un bon acteur, capable de jouer un gentil ou le pire des salauds. Et puis il y avait une super musique, la musique de Morricone généralement. Et là, je trouve qu'elle accompagne notamment cette scène de duel là où il y a le livreur qui arrive et qu'il y a cette tension. Enfin, moi, je trouve que cette scène, elle est vraiment superbe. C'est vrai que le film avait été bien aidé par la musique de Morricone. Ouais. Ça, tout de suite, les gens se souviennent du Professionnel la plupart du temps. Et puis il y a la musique qui vient. La musique qui arrive, voilà. Ouais. Même si Chabat nous avait fait une bonne parodie avec Royal Rabbin. Voilà, quand même, on se rappelle du Professionnel qui était le modèle au départ. Et donc, et après, tu nous mettrais quoi comme film ? Tu as d'autres films un petit peu fétiches ? Bah après, il y a des films que... Alors, moi, c'est les films fétiches, je veux dire, c'est peut-être les films que j'ai re-regardés. Et c'est vrai que bah, le film que j'ai plus re-regardé, c'est Titanic, hein, sur ça on reste. C'est vraiment un film. Et je trouve qu'il vieillit assez bien, notamment sur les effets spéciaux. Je pense, bon, de toute façon, James Cameron, quand même, bon, voilà. Hein, donc, et puis, c'est vrai que l'histoire, elle est quand même assez bouleversante. En fait, j'aime bien les films tristes, je me rends compte souvent. En fait, parce que je trouve que, voilà, c'est des beaux films. Mais après, films fétiches, non, ça va dépendre des périodes. Voilà, voilà, ça c'est les films que tu aimes bien regarder Voilà, de c'est temps en ça. temps. Mais, ok. Au niveau des acteurs, est-ce que tu as un acteur que tu aimes particulièrement bien? Alors, bah, un acteur qui travaille aujourd'hui, j'aime bien Jean Dujardin. Et c'est vrai qu'il a un peu ce côté, en fait, à l'ancienne, en fait, donc qui me plaît et que ça me rappelle un peu les acteurs que j'aimais dans mon enfance. Et c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que quand il joue, on a l'impression que des fois, on se dit, mais est-ce que ça vient de lui, cette phrase? Parce que des fois, c'est tellement lui, en fait, dans ces films-là. Il a joué des films plutôt drôles, il a fait aussi des films dramatiques. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et alors, un autre acteur que j'ai aimé, mais c'est vrai Alors, que... je te Oui. coupe pour te confirmer, c'est un acteur qui n'improvise pas beaucoup. D'accord. Récemment, j'ai eu Jean-François Alain, Ouais. le scénariste d'OSS 117, Oui. et on lui a posé la question. Oui, d'accord. Et il nous a dit que non, par exemple, dans OSS 117, on a l'impression qu'il y a de l'improvisation et Oui. tout ça. Eh bien non, c'est le texte de Jean-François D'accord. Alain, qui faisait entre autres les Guignols, hein, c'était une des voix Oui, des oui. Guignols. Et il nous a dit que Dujardin était très pro et justement qu'il suivait. Alors, c'est vrai pourtant, il donne l'impression, on dirait vraiment que ouais, Et c'est ce qu'il c'est nous a dit, oui, derrière, c'est un bon acteur parce que on a l'impression que. Bon, derrière, oui, il aime bien faire l'andouille, mais par contre, il est très professionnel sur le texte. Eh ben super, j'ai appris. Et non, après, en acteur, si. Alors, c'est vrai que Leonardo DiCaprio, bah, j'ai suivi sa carrière et j'ai trouvé que bah, il a réussi en fait à jouer des films enfin, avec une intensité. Je pense que c'est un très, très bon acteur. Donc là, j'aime bien voir les films où il joue. S'il y avait un autre acteur, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus trop un acteur dont il faut parler et qui fait un petit peu honte, mais j'ai beaucoup aimé Gérard Depardieu, j'avoue. Il a fait des superbes films, des policiers, mais aussi, moi, j'ai beaucoup aimé des films historiques. Et je pense que ce que j'aimais le plus, c'est sa voix. Je trouve qu'il a une voix vraiment fabuleuse. C'est un très bon acteur, malgré tout. Et j'ai beaucoup aimé ses films. Oui, puis c'est un self-made man. Oui, ça, C'est c'est sûr. ça, il sort d'un milieu vraiment, bon, de Ah Châteauroux, ben, c'était ouais. la petite délinquance. Hein, et bon, après, oui, il y a l'acteur, et bon, après, on peut. Oui, c'est sûr que le Voilà. comportement qu'il a, Non. c'est complètement déplacé. Ouais. Même un film comme Les Valseuses, par exemple, on pourrait plus le faire à notre époque. Non, ça c'est sûr. Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours jauger les choses avec l'époque. Ouais. Pas, disons, réprimer les faits ou dire bah non, c'est pas grave. Non. Non, Et c'est... il faut nuancer. Et bon, maintenant, oui, c'est sûr que son comportement, bah oui, c'est. C'est ça. Et puis, ça fait longtemps, en fait, qu'il n'est plus vraiment acteur. Je pense qu'il fait vraiment des bons films. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je me souviens de Cyrano. Sa prestation, elle est bluffante. Enfin, il y a peu de gens qui peuvent, je pense, le faire. Oui, j'avais eu l'occasion d'interviewer Gérard Lanvin, qui est un de ses copains, et il m'a dit il y a eu un Gérard avant et Ouais. après la mort de son fils. Ah oui, ce Ce qui qu'elle... fait qu'il dit qu'il a commencé à complètement débloquer, à être exubérant. Enfin, il était toujours ce côté un peu exubérant, mais visiblement, la mort de son fils a fait de lui quelqu'un d'aigri et il est parti dans l'excès, dans tous les excès. Et c'est vrai que c'est dommage pour le cinéma et puis pour les gens qu'il a offensés aussi, quand même. Bah oui. Au niveau des actrices, est-ce que tu as des actrices que tu préfères? Alors, il y a une actrice que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'on l'a un peu trop vue, c'est Virginie Efira. Alors, moi, je l'ai vue dès ses débuts, je l'aimais bien. Elle avait commencé avec des comédies qui étaient. Les Je trouvais. 20 ans d'écart ou des choses comme ça. Ouais, puis je trouvais qu'en fait, elle arrivait à amener quelque chose, en fait. Je trouve qu'elle a une vraie présence. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très intense. Et en fait, je l'ai bah, vue évoluer. Et je trouve que, en fait, elle est souvent excellente, quand même, comme actrice. Et elle a un côté que j'aime bien qui. Pas star, enfin, elle a l'air accessible, sympa, et je trouve que, enfin, elle se la pète pas. Et c'est une caractéristique des acteurs belges. qui sont peut-être plus Ils humbles. sont. C'était Boudé Lanners, une fois, qui me disait, mais nous, et Yolande Moreau, me disait, bah, un tournage en Belgique, il n'y a pas la caravane de la star. On mange tous ensemble, on prend le café avec le perchiste, avec le figurant. La starification, elle dit, c'est vraiment français. Ils ont dit, ils ont dit, ces gens-là. Et donc, c'est deux fois. Hein, j'ai deux acteurs différents belges qui m'ont dit, oui, bah, nous, chez nous, c'est un métier comme un autre. Et puis, on est là, nous on est acteurs, mais on a besoin d'eux pour... En France, il nous donnait un exemple, en France, pour déplacer, Benoît Poulvord qui disait ça, en France, il y a une voiture qui se met dans la scène, qui n'était pas prévue, alors il va falloir appeler le perchiste qui va dire au technicien, qui va dire au grouillot de service d'aller déplacer la voiture. Il dit chez nous, il dit moi je peux aller dire au gars, bah, tu bouges ta voiture s'il te plaît. C'est vraiment ça. Et Virginie Efira, justement, oui, à cette fraîcheur, une très bonne actrice, parce que, comme tu dis, elle a commencé dans la comédie, mais maintenant, on la voit dans les films historiques, dans des films très dramatiques. Oui. Et puis, elle fait une bonne carrière et elle ne joue pas que sur sa plastique. Non, c'est vrai. Un peu comme DiCaprio, qui a commencé au départ, c'était le beau gosse, mais après, il s'est... Oui, il y a autre chose. Voilà, c'est à un moment, y a des gens qu'on oublie au bout de quelques films. Oui, c'est vrai. Et après, il y a une carrière. C'est ça. Là, c'est le cas des gens que tu cites. As-tu un réalisateur préféré ? Alors, moi, j'aime beaucoup Clint Eastwood. Alors, déjà, parce que je pense que c'est un... Alors, c'est pareil, lui, parce qu'il était acteur, il est devenu réalisateur, il a fait des films dans tous les genres et souvent des très bons films. Enfin, il a fait un des meilleurs films d'amour, un des meilleurs westerns, des films d'action, puis des films aussi qui dénoncent notre système. Là, je vais aller voir son nouveau film. J'ai Deuxième pas encore. Durée. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion. Là, je vais aller le voir ce week-end. Mais voilà, c'est quelqu'un que je trouve qui a une très belle carrière et à chaque fois, ce sont des beaux films. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est extraordinaire à 94 ans de faire encore des super films. Bah, c'est ça, ouais. C'est d'avoir les idées, sachant en plus ce qui est très paradoxal, c'est son fils qui disait ça récemment dans une interview. Mon père, j'arrive pas à le comprendre. Il a son côté un petit peu républicain américain, très réactionnaire, très Rambo et compagnie. On pouvait voir l'inspecteur Harry. Mais de l'autre côté, ça va être un humaniste qui défend différentes causes, le racisme, les femmes, et voilà. Et il dit qu'il est incompréhensible. C'est dans Gran Torino, je crois, qu'il avait vraiment montré cette facette-là, justement. Oh, donc, ouais. Et dans, pareil, quand on le voit dans les Dirty Harry au départ, c'est... Après, j'ai vu Pearl Rider récemment. C'est vrai que c'est un petit peu la suite de ces western spaghetti qu'il a fait. Mais il amène sa patte, et dans le western, comme John Wayne a amené sa patte, je pense qu'on parlera de Clint Eastwood dans les archives. Oui. Quoi. Ah oui, il fait partie et de l'histoire. Pas que cinéma. Pour le cinéma, pas que pour les westerns. Ah non, c'est sûr. Et sinon, j'aime bien. Alors, quelqu'un qui est. Enfin, qu'on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup Claude Lelouch. J'aime bien ses films. Alors, c'est drôle parce que des fois, quand on regarde sur le papier le résumé, on se dit mais qu'est-ce que ça va être ? Et à chaque fois, je trouve que j'aime bien, il me transporte et j'aime beaucoup ses dialogues. Et c'est vrai qu'il a un peu le fait qu'il arrive à faire jouer des acteurs, en fait, à donner le meilleur, en fait, de ses. Enfin, je trouve que des fois, il y a des gens qui se disent mais pourquoi il prendrait cette personne-là ? Et en fait, on la voit jouer et ça paraît évident. Donc, j'aime beaucoup ses films. Oui, puis c'est quelqu'un qui est assez fidèle au niveau de ses acteurs. Oui. Il y a ses habitués, on dirait sa tribu, comme il dit des fois. Et puis à côté, vient se greffer des jeunes talents, des gens qui arrivent un petit peu dans le milieu du cinéma, qui commencent à bien fonctionner. Et ça match, la plupart du temps, ça match. C'est vrai. C'est très rare qu'on entende un acteur sortir d'un film Lelouch, dire ça s'est mal passé. Oui, c'est vrai. Alors que ça arrive, il y a des fautes de casting, comme on dit. Et c'est vrai qu'avec Lelouch, en général, on le voit surtout dans les promos où il y a une certaine complicité. C'est vrai, oui. Je pense que il choisit vraiment en fait avec qui il veut travailler et il doit vraiment accompagner ses acteurs. Au niveau musique de film, est-ce que tu as une musique que tu adores écouter ou réécouter ? Alors, il y a déjà toutes les musiques que moi, on en a un petit peu parlé, mais de Morricone, je trouve qu'elles sont impressionnantes, surtout dans la trilogie du dollar où, en fait, la musique, c'est un personnage, clairement. Donc, je trouve que c'est exceptionnel d'avoir réussi, en fait, à rendre la musique autant importante que des acteurs. Et sinon, une musique de film que j'écoute avec plaisir, c'est la musique de Dirty Dancing. Je trouve qu'elle est excellente. Et d'ailleurs, on l'écoute souvent à la médiathèque. Le samedi, on la diffuse. C'est vrai qu'elle est super, quoi, cette musique. Moi, j'aime bien. Hop, ça met de bonne humeur. Bah oui, c'était de la bonne musique quand même. Eh bien, je te propose de faire une première pause musicale avec la bande originale de La leçon de piano de Jane Campion, avec le thème principal. Je ne sais pas si tu connais ce morceau. Je l'ai déjà entendu, mais je n'arriverai pas à dire lequel c'est. Thank you. Donc, retour avec le spécial médiathèque de Montlouis sur Radioactive avec Élodie, sa directrice. Alors Élodie, quel est ton genre de film préféré ou tes genres, hein, parce que c'est un petit peu réducteur. J'aime beaucoup les films d'animation pour adultes et c'est vrai que c'est un genre qu'on voit de plus en plus au cinéma et ça je trouve ça bien parce qu'avant l'animation c'était pour les enfants alors qu'en fait il y a des superbes films qui sont faits pour les adultes. Le premier qui m'avait marqué c'était Valse avec Bachir que j'avais trouvé qui était exceptionnel et de plus en plus là il y a le film La plus précieuse des marchandises qui va sortir prochainement que j'ai vraiment envie de voir et voilà donc ça c'est l'animation moi j'aime beaucoup parce que elle apporte il y a un vrai travail aussi artistique et donc j'aime beaucoup cet aspect là. Et sinon, eh ben, un genre que quand je le dis, les gens me font « Ah, t'aimes ça ?» Ce sont les westerns. J'adore les westerns. Et il y en a des super. J'ai vu peut-être une centaine de westerns. Et en fait, je trouve que finalement, c'est des super films parce qu'il y a tout dans un western. Il y a de l'action, c'est une épopée, il y a des relations avec les gens. Et en fait, je pense qu'on s'est cantonné à certains films. On dit « Ah, bah, finalement, c'est pas terrible. » Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas vu les bons westerns. Il y en a beaucoup de très bons. Et c'est une catégorie qui réapparaît régulièrement. C'est ça. Avec des petites pépites. C'est sûr. Bon, ouais. Je suis fan aussi de western. D'accord. Donc, disons, moi, c'est que ça a bercé mon enfance parce qu'à l'époque, le dimanche après-midi, on avait le droit à un western. Donc, j'étais élevé, mais bon, un petit peu à la culture western, John Wayne et compagnie, enfin, tous ces. Et des classiques qu'on voyait aussi dans la dernière séance avec Eddie Mitchell, entre autres. Oui. Et. Après, bon, bah, j'ai toujours bien aimé ce style et j'ai vu des films comme Les Disparus, qui est génial. Les Western Spaghetti, il y en a des bons, hein, tu en as cité tout à l'heure. Bon, il y a eu à côté aussi de la production industrielle avec les Django, par exemple, pas celui de Tarantino. Oui, oui. Mais voilà, on avait du sous-western. Hein. Et puis, bah, c'est revenu petit. On danse avec les loups, des choses comme ça. C'est revenu et régulièrement, poum, poum, poum. Ouais, c'est pas un genre qui est mort, en fait. Il y a toujours des choses. Et c'est vrai que je pense qu'il a le défaut, c'est qu'il y en a eu beaucoup de mauvais. Donc, c'est un peu l'image après qui est... Voilà, bah, comme pas mal de films en France, on a par exemple les drames psychologiques. Il y a pas mal de bons films. Et il y a des gens qui vont dire, bah, j'aime pas les drames ou les films français psychologiques. Alors qu'à côté, bah, oui, il y a des chefs-d'œuvre, mais il y a aussi des navets. Oui, c'est ça. Il faut savoir le dire. Par contre, quel est le genre que tu aimes peu, pas du tout ? Alors, je n'aime pas du tout les films d'horreur. Moi, je suis passée complètement à côté. Je n'aime pas, ça me fait peur, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, voilà, même Scream, ça me fait peur. Donc, vraiment, non, je ne suis pas du tout pour... ça ne me réussit pas. C'est le côté sanguinaire ou non, où tu vois pas l'intérêt. En fait, j'arrive pas à voir ce que ça apporte. Et puis, honnêtement, je trouve ça dégueu, quoi. Enfin, donc ça. Et puis, j'ai pas envie d'avoir peur par ce biais-là. Enfin, je sais pas. Non, ça. En fait, voilà. Je pense que je suis complètement hermétique à ce genre. Ok, bon, il y a des bons films. Hein, sans doute. Récemment, à Tours, il y a eu le festival Mauvais Tour. Une petite pub, hein, on en a fait un spécial cinéphage. Mais oui, il y avait un petit peu de l'horreur thriller et il y en a un petit peu pour tous les goûts. Moi, je comprends aussi des gens qui, quand c'est vraiment de l'horreur gore, c'est-à-dire avec du sang, mais il y a des thrillers qui sont... Bon, on prend Psychose de Hitchcock. Oui, ça, c'est très bien. Tu me parlais de Scream. Oui. S'il n'y avait pas eu Psychose, je ne sais pas s'il y aurait Scream. Non, c'est vrai. Mais bon, voilà. Mais je comprends aussi l'horreur pure pour de l'horreur avec des tonnes de tripailles et de sang. C'est vrai que c'est bon. Non, puis après, je me fais peur. Enfin, j'ai vérifié 4 fois si la porte est bien fermée. Non, mais voilà, moi, pourquoi se faire ça ? Pourquoi se faire du mal ? Alors maintenant, tu nous as parlé un petit peu, mais quel film t'as vraiment marqué en bien ou en mal ? Une scène ou quelque chose que tu te souviendras toujours, et soit avec effroi, soit avec plaisir ? Alors... maintenant, il y a beaucoup de mini-séries. Là, je vais un peu à l'encontre. C'est que moi, il y a une mini-série qui m'a vraiment marquée récemment. C'est Esternonote de Bellocchio. Ça a été diffusé sur Arte. Et c'est vrai que ça reprend l'assassinat d'Aldo Moro et avec les Brigades Rouges. Et ce que j'ai trouvé génial... Bon, alors déjà, Bellocchio est super comme réalisateur. Mais c'est surtout qu'il a réussi à mettre un épisode, c'est un point de vue. Donc le point de vue de la papauté, le point de vue après des hommes politiques, etc. et de la famille. Et j'ai trouvé que c'était très intense et ça m'a tellement intéressée que j'ai voulu après lire des livres sur les brigades. Ouais, approfondir vraiment. Et j'ai trouvé que c'était exceptionnel puisque des fois, c'est vrai que maintenant, ce qui se passe dans les séries, ben, ça vaut un film au cinéma. Hein. C'est vrai que voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses très bien. Il y a les acteurs qui viennent, des acteurs du cinéma qui clairement. Maintenant... Il n'y a plus honte à aller faire des téléfilms ou des séries. C'est ça. Les moyens ? Oui, c'est sûr. Et parce que on peut aussi développer une idée. Parce qu'un film, faut hein, hop, hop, hop. Et ah, combien il y a de films qui se terminent un petit peu sur une fin. Ah, ça, c'est sûr. On a l'impression qu'il y a, hop, tout d'un coup, bah, j'ai plus de moyens. Oui, c'est bon, ça, bah, on arrête là, j'ai plus de budget. C'est vrai que c'est. Alors arrive, qu'une série, oui, on a la chance de au moins pendant une saison. Bon, des fois, il y a des très bonnes séries qui, pour des raisons financières, s'arrêtent au bout d'une saison et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est vrai que bah, maintenant, c'est plus le parent pauvre. Je pense que le fait d'avoir les plateformes qu'il y a eu aussi, ça a développé. Et on peut trouver dans des séries ou des films dans tous les genres maintenant. C'est ça. L'exemple en France, avant, on se contentait de faire de la comédie et du policier. C'est vrai. Et maintenant, bah, on peut trouver du fantastique, on peut trouver des films psychologiques, des biopics. C'est aussi intéressant. Et maintenant, je vais te demander le dernier film que tu as vu au cinéma. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai été voir Le Comte de Monte Cristo. Alors, en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien cette histoire. C'est un classique que j'aime beaucoup. Et j'ai vu beaucoup d'adaptations, donc je voulais voir celle-ci. J'aime bien comparer, moi, les adaptations. Et alors, c'est intéressant, puisque j'ai trouvé qu'elle était moderne. Ça, c'était bien. Il y avait ce côté qui dépoussière un petit peu le classique. Je ne me suis pas ennuyée. Mais je n'ai pas compris forcément l'engouement extrême autour de ce film, puisque finalement, il est assez classique. Et voilà. Donc, il est bien. Mais de là à rester autant de temps au cinéma par rapport à d'autres films, voilà, j'ai peut-être pas. Bah, j'ai eu la même démarche que toi. Je l'ai vu. Les trois heures, je ne les ai pas vues passer. Pour... Et j'ai trouvé justement que cette version moderne, avec un côté plus sombre d'Edmond Dantès, était très bien. On s'apesante moins sur les autres personnages par rapport au roman où on va un peu plus développer. Un casting, moi j'ai trouvé que le casting était... Ah oui. L'image, tout ça, c'était très bien tourné. Et je pense que cet engouement, c'est par rapport à un jeune public qui, lui, n'a pas lu. Oui, c'est ça aussi, ouais. Je pense qu'il y a, pour en avoir discuté avec des gens et vu avec des gens de différents âges, il y a plein de gens qui disent « Ah ben, pour eux, Dumas, c'était vieux, c'est... » Bon, les Trois Mousquetaires ont bien aidé aussi à relancer un peu cette mode du film historique et littéraire. Mais bah, puis les gens, je pense, après le Covid, ont envie de voir du grand spectacle. Oui, c'est vrai. Il y a un petit peu, je pense, hein, c'est une de mes explications. Et pour en avoir discuté avec des gens de tous milieux, de tous horizons, bah, tout le monde a trouvé, j'ai pas entendu une critique totalement négatif. Ah non, c'est sûr. Je pense que moi, en fait, c'est vrai que je l'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que c'est qu'après, je me suis dit, voilà, c'est quand j'ai vu cet engouement, je me suis dit, pourquoi en fait à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est peut-être plusieurs facteurs qui expliquent qu'il arrive au bon moment et puis qu'il est. Et aussi un beau matraquage publicitaire. Alors ça, c'est sûr. Je pense que tout le monde est au courant que ce film est sorti. Bon, je vois actuellement un petit truc en plus, c'est pareil. Il y a ce matraquage. L'amour ouf. Mais en ce moment, le battage médiatique est. Donc, ça fausse un petit peu la donne. Oui, peut-être aussi, ouais. Pour avoir vu des films qui sortent en même temps, qui ont une valeur équivalente, c'est vrai que, bon, bah, on est quand même maintenant dans le monde du média. Et, c'est vrai aussi. Et voilà, donc, il suffit qu'on... Sur les réseaux, à la télé, à la radio, et il y a un matraquage. Et il y a des gens qui vont être plus sensibles. Hein, on voit ce que ça donne pour la publicité. Bien sûr. Et bah, c'est exactement ça. C'est une sorte de publicité. Maintenant, imaginons que tu fais une soirée avec tes amis et tu as envie de leur présenter trois films. Quelle serait ta soirée idéale ? Bon, alors déjà, des films, si on a une soirée entre amis, moi j'ai envie de voir des films plutôt pas légers, mais dans un sens quand même plutôt sympa. Alors il y a un film que j'ai découvert, un classique, récemment, que Charade. Je n'avais jamais vu ce film, et donc avec Cary Grant et Audrey Hepburn, et j'ai trouvé que ce que c'était beau, c'était... se fait comédie policière. Je pense qu'on n'en a pas beaucoup et c'est super bien en fait de mélanger les deux genres. C'est léger et en même temps il y a plein de choses et c'est filmé d'une manière... moi j'ai beaucoup aimé les cadrages. Donc j'ai passé un très bon moment en voyant ce vieux film. Donc voilà, c'était une découverte. Et sinon, je leur montrerai des films de Gianni Di Gregorio qui propose... alors il était acteur et maintenant il est réalisateur. Il propose vraiment des films sur l'amitié. Et qui sont toujours un peu, ça remet la comédie à l'italienne, quoi. C'est toujours avec une apparente légèreté, des sujets beaucoup plus profonds. Et donc, j'aime beaucoup voir ces films et je pense que voilà, je les ferai découvrir à des amis. Et puis, comme tu dis, ce qui est bien, c'est aussi de faire découvrir le nouveau cinéma italien. Ben oui. Parce que les gens, ils sont encore avec Mastroianni, Fellini. Super. Oui. Mais Il voilà. se passe beaucoup de choses dans le cinéma italien aussi. Donc voilà, donc ça serait voilà l'occasion. Et sinon, un film que j'aime bien, que peu de gens ont vu, parce que je pense qu'il a été un peu brisé justement par la critique, c'est Le Retour du héros, qui reprend donc à cette époque napoléonienne, donc il y a Du Dujardin, jardin, et qui est un lâche monumental. Et ouais. Un donc il y a super imposteur. un super imposteur. Et je trouve que ce film, on n'en a pas tellement entendu parler, et pourtant il est super drôle. Il se moque des codes du film historique, et enfin, et ça répartit. Il est réparti avec Mélanie Laurent. Mais là, voilà, Avec je m'en doutais, Laurent, à chaque fois, oui, c'est chaque fois pareil. moi. Et je trouvais que c'est un très bon film, on passe un bon moment. Et je l'ai revu en fait, et j'ai trouvé que c'était assez drôle. Oui, puis Dujardin est parfait dans ce rôle Ah bah oui, sur mesure. un petit peu ce fanfaron historique qui, ça rappelle Tartarin de Tarascon ou des gens comme C'est ça, ça. des braves vaches, et puis finalement, bah oui, c'est un bon lâche. Et jusqu'à la fin, en fait, où Oui. il est rappelé par l'armée, et puis l'armée part à gauche, et lui s'en va à droite. C'est excellent. Enfin, moi, je trouve que c'était assez drôle. Et justement, c'est marrant parce que tu as évoqué avant les films italiens. On a beaucoup de ces espèces de héros lâches ou veules qui dans, et dans le cinéma italien, on aimait bien ça. Oui, c'est vrai, ouais, il y a cet aspect, ouais. Et c'est vrai que, mais bon, oui, comme tu l'as dit, c'est en plus un film en costume d'époque, donc ça veut dire qu'il y a eu de la recherche, contrairement au Napoléon de notre ami Ridley Scott, que je tape régulièrement dessus parce que c'est autant le thème était génial, mais en avoir fait un film comme ça, c'est du grand n'importe quoi. Faut pas avoir ouvert un livre d'histoire pour faire un film comme ça. Ou alors prendre un conseiller médiéval pour faire un film sur Napoléon. Là aussi, il y avait une erreur de casting. Eh bien maintenant, après cette belle soirée cinéma, je te propose ton portrait cinéma. Alors, si tu étais un film... Alors, c'est pas facile comme question, j'avoue. Alors, je dirais que pour moi, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est quand même l'amour et que j'ai la chance de vivre une belle histoire depuis longtemps. Je dirais sans la fin tragique, hein. Love story. Voilà. Mais je dirais celui-ci, surtout qu'au tout début du film, eh bien, l'actrice est bibliothécaire. Donc, vraiment, je coche toutes les cases là pour le coup. Alors, si tu étais un acteur ou une actrice. Alors, il y a une actrice dans laquelle je me reconnais, ben, on en a un petit peu parlé, c'est Mélanie Laurent. Alors, après, voilà, je ne la connais pas évidemment, mais je trouve que l'aspect qui ressort, c'est que ça a l'air d'être quelqu'un d'engagé, qui est une bosseuse, plutôt passionnée et assez discrète malgré tout, même si des fois, voilà, elle est au cœur de l'actualité comme toutes les actrices. Mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a un beau parcours et Fais pas qui. trop de vagues, quoi. Pas trop de vagues, ouais, et qui a l'air de. Ouais, de. Finalement, on la voit pas trop au début, puis maintenant, elle commence à avoir sa place. Ouais, je trouve que c'est bien. Bah, c'est bien des acteurs comme ça qui arrivent tranquillement dans le cinéma Ouais. et qui partent tranquillement et qui se font une carrière. C'est mieux que des comètes qui Oui, ne c'est font que sûr. passer. Si maintenant je te demandais quel personnage de film tu aurais aimé être? Alors, sans conteste, je suis Hermione Granger. Ce côté intello avec le sens quand même de l'amitié et de la justice, en fait, donc c'est moi, en fait. Voilà, je suis Hermione. On te voit dans la prochaine C'est série Harry voilà. Potter. Ah, je suis un peu trop vieille. Ah, les héros vont vieillir. Hein. Oui. Mais j'ai le même âge qu'eux, que les Oui, acteurs. donc tu as été bercé. Ah oui. Et puis le côté aussi bibliothécaire, parce qu'il ne faut pas Oui. oublier que c'est quand même une saga qui a fait des millions de ventes au niveau livre. Hein. Ben oui, puis c'est assez drôle parce que finalement, comme moi j'ai grandi avec et que ben, les livres sortaient au compte-gouttes, qu'en fait j'avais le même âge que les personnages. Donc pour moi, génération bénie, parce que c'est la vraie génération des fans d'Harry Potter, des livres, parce qu'il y a aussi les fans des films qui sont parfois pas les mêmes. Et effectivement, moi je pensais que l'engouement retomberait. Et il y a eu un moment où bon, ça avait un peu retombé après les films et puis c'est reparti de Il y a eu plus belle, les Animaux quoi. Fantastiques qui ont relancé un petit Ouais, peu, ouais, ouais. plus là la série qui Qui est normalement, en préparation, ouais. voilà. Bon, après J.K. Rowling est plus ou moins C'est d'accord sur ça. certaines adaptations de son roman, mais bon, il y a toujours ces problèmes. On l'a vu par exemple avec Game of Thrones, C'est ça, il y a. entre le roman et ce qu'en ont fait les scénaristes pour terminer la série, C'est. c'est Bah, puis ça arrive un peu tôt, moi, je trouve, parce qu'on est tellement encore marqué par les acteurs des films que je pense que ça va être très difficile de trouver un nouvel Harry, et puis une nouvelle Hermione, un nouveau Ron. Enfin, c'est tellement marqué. Puis même bah, le marketing, pour le coup, on voit leur Ouais. tête partout. Donc je pense qu'il y a un vrai travail aussi. Puis les personnages secondaires qui étaient superbes, en fait, dans les films. Hein. Alors, ils sont tous morts, là, la plupart, quand Oui, même. c'est vrai qu'il y a une hécatombe. Mais quand même, c'est vrai qu'ils étaient. Par exemple, Rogue, je vois pas comment ça peut. C'est lui, donc. Bah, Hagrid aussi Hagrid, qui. qui était, bah, il était Voilà. fantastique. Non, il y a plein de, oui, de secondes. Ouais, McGonagall, enfin, enfin Voilà. tous, enfin, c'était. Ouais. Donc je pense que Ben, ça on va a pas quand être même facile. réussi à changer Dumbledore. Ah oui, moi je suis restée une puriste, je n'ai pas aimé, mais il n'y avait Parce que pas le Richard choix. Harris, Les excellent. deux premiers, c'était. Ouais, je préférais. Pour moi, l'autre a toujours été. Pas tout à fait le vrai. Il a perdu de sa magie, comme on pourrait dire. Voilà. Eh bien, je te propose une seconde pause musicale avec voilà, un classique des années 80, la bande originale des Goonies. Et c'est The Goonies Are Good Enough par Cyndi Lauper. Eh bien maintenant, je vais passer au coup de cœur. Comme d'habitude, j'ai plusieurs coups de cœur. Tu pourras les commenter, savoir si tu as vu le film ou si ça ne dit rien. Si tu as envie de commenter, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Eh bien, mon coup de cœur, c'est Les Disparus. Alors, c'est pas Les Disparus, le film dont on a parlé tout à l'heure, le western, avec Tommy Lee Jones, mais là, c'est un film espagnol de Inés Paris de 2023, donc un film récent. Et ça se passe en 1957, l'année de la grande inondation de Valence en Espagne. La ville croule sous la boue, la population désemparée compte ses victimes, les pluies violentes sont cause de nombreux dégâts. Et dans cette ambiance apocalyptique, Olivado Garrel, qui est une journaliste, va retrouver parmi les cadavres noyés le corps de, des corps étrangement mutilés. Et la journaliste et un enquêteur, un policier, on pourrait dire non corrompu, mènent des investigations suite à la découverte des six corps apparus après la soudaine montée des eaux d'une rivière. Et ça se passe pendant le franquisme. Et ce qui est assez extraordinaire, bah, on voit ce qui se passe actuellement à Valence. Mmh. On nous vend ça comme un fait extraordinaire. Bah, si on regarde un peu, et il y a des images d'archives au début du film, bah oui, déjà en 1957, il y avait des inondations. Donc, malheureusement, les faits se répètent. Alors, j'ai découvert récemment ce film et vraiment, on parlait du cinéma italien, mais le cinéma espagnol, ils sont très doués pour les thrillers et les enquêtes comme ça. Et moi, j'ai trouvé ce film très bien, bien mené. On montre la corruption. On parlait et justement, au temps du franquisme, les expériences. Un petit relent de nazisme derrière, avec des expériences. Le religieux qui s'en mêle aussi. Donc, si tu ne connais pas, je te conseille, c'est assez sympathique. Pas spécialement gore. Je sais que tu n'aimes pas trop. Et bien ensuite, mon coup de cœur rétro, c'est les Monty Python, Le sens de la vie. Alors, une comédie musicale parodique de 83 de Terry Gilliam, Terry Jones, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, donc la bande des Monty Python. Donc, c'est l'histoire, ça commence par des vieux employés d'une compagnie d'assurance qui se révoltent contre les jeunes loups de Wall Street qui les asservissent. Et telle est la séquence d'ouverture de cette satire loufoque sur l'existence de la vie à la mort, en passant par la religion, le mariage, la guerre. Donc, un film à sketch vraiment. Avec toujours la critique des Monty Python derrière. Moi, j'avais trouvé j'adore les Monty Python, cet humour absurde. Bon, il y a plein de comiques français. Je parle Les Nuls, Les Robin des Bois, et j'en passe et des meilleurs. Ça a vraiment inspiré pas mal de générations de ce genre de film. Pareil, un film que je conseille à nos auditeurs. Et puis, le coup de cœur news, on va voir un film qui s'appellera Les Beatles 64, un film documentaire de Martin Scorsese, qui a déjà fait pas mal c'est un fan de musique et spécialement de rock. Et là, Beatles 64 racontera l'incroyable tournée américaine du groupe anglais avec des images et des témoignages inédits. Et ça se passe le 7 février 64, quand les Beatles arrivent à New York dans une ambiance d'excitation et d'hystérie sans précédent. Martin Scorsese va nous raconter la Beatlemania qui a emporté l'Amérique lors de cette tournée événement du groupe anglais à travers ce documentaire événement, donc bourré d'images et de témoignages inédits. Donc, on va pouvoir redécouvrir un petit peu, ou découvrir pour ceux qui ne connaisseraient pas les Beatles. Puis, je pense, avec la patte de Scorsese, ça peut être très intéressant. Eh bien, maintenant, nous allons passer à la partie purement médiathèque, puisque tu es là avec ta double casquette, celle d'invité de Cinéphage pour nous parler de tes goûts. Mais maintenant, on va parler du lieu que tu fréquentes quotidiennement. Peut-on trouver un rayon cinéma ainsi que des magazines sur les cinémas à la médiathèque ? Alors oui, on a donc un rayon cinéma avec donc des DVD qui sont en prêt. Récemment d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on a facilité la classification, puisqu'avant ils étaient classés au réalisateur et maintenant on les a classés par titre de film pour simplifier la recherche pour les usagers. Et on a également le magazine Première, qui est plutôt regardé sur place plutôt qu'emprunté. Les gens regardent un petit peu puisqu'il y a les critiques, etc. Donc voilà ce qu'on peut trouver à la médiathèque. Pas plus de magazines ? Parce qu'il y a quand même pas mal de magazines. Alors, est-ce que c'est aussi une question de budget, peut-être ? Alors après, il y a plusieurs magazines qui sont sur la culture en général, où on trouve d'autres, par exemple, même dans les In Rock, on trouve des fois des critiques. Il y a après pas mal d'autres... on a plutôt des... Parce qu'on a une soixantaine d'abonnements, on essaye d'avoir un peu sur tous les genres, mais c'est vrai que Voilà, notre dépend finalement, les magazines sur la culture ne sont pas ceux qui sont le plus empruntés. D'accord. Voilà, clairement. Et tu as aussi un rayon cinéma de livres classiques ? Alors, on a refait d'ailleurs le rayon cinéma avec une classification par plutôt tout ce qui est film, réalisateur, acteur. Voilà, donc on essaye de renouveler ce fonds régulièrement. Donc, on a refait un petit peu notre classification. Maintenant, il se trouve dans le pôle art, où on trouve les autres, toutes les disciplines artistiques. Et c'est beaucoup lu, moyennement ou... Ce n'est pas les fonds qui fonctionnent le mieux. Clairement, les livres sur Harry Potter, ils sortent. mais voilà, ça va être, c'est un petit peu à la marge. Hein. C'est pas, les gens ne regardent pas spécifiquement en fait, ce fonds. Ce n'est pas celui qui sort le plus. Et dans votre classement, est-ce que les films tirés de romans sont dans le même endroit, parce que tu parles d'Harry Potter, ou on peut avoir, dans les différents styles de romans, trouver des auteurs ? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas cette ils sont mélangés en fait, on ne les retrouve pas, effectivement. Par exemple, si je cherche 20 milieux sous les mers, il y a les adaptations ciné, mais on va le trouver à Jules Verne. Oui, voilà, c'est ça, il n'y aura pas, ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Hein. Voilà, on a parlé des DVD, donc il y a un choix assez important de DVD, je sais que c'est Nicolas, je crois, ton collègue qui s'occupe de ça. Oui, c'est Nicolas, on maintient le budget chaque année, sachant qu'en médiathèque, on paye beaucoup plus cher les DVD puisqu'on paye les droits également, donc ça change un petit peu la donne en fait sur le nombre. Après, on essaye toujours de prendre des films qui vont être attendus, qu'on sait que les gens ont envie de les voir, mais on essaye aussi de prendre des films primés, des films d'auteurs. C'est pas toujours évident parce qu'il y a une telle diversité aussi dans le cinéma. Donc on essaye de prendre aussi des documentaires parce que c'est quand même ça sort moins, mais ça existe. Donc on essaye quand même de répondre au plus grand nombre et d'être assez réactif sur les sorties parce qu'on sait très bien que les gens, il y a l'attrait de la nouveauté et peut-être encore plus pour le cinéma. On en a entendu parler au cinéma, donc en fait on veut les voir rapidement. Voilà. Et je crois qu'il y a aussi une plateforme de streaming. Oui. Tout à fait. On a un portail numérique qui s'appelle Nomad, qui est commun à toutes les bibliothèques d'Indre-et-Loire. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir des films, autant des classiques que des films très récents. Là, par exemple, y a Le Comte de Monte Cristo qui est sur la plateforme. Y a vraiment un choix assez important pour que tout le monde puisse en profiter. Par contre, c'est limité à 2 films par mois. Mais bon, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne offre. Et puis, je crois qu'il y a des formations, il y a plein de choses sur Nomad. Ah oui, c'est très riche. Hein. Il y a des livres, il y a des revues, il y a de l'auto-formation, même le code de la route qui peut fonctionner bien pour s'entraîner. Enfin, il y a plein de choses et c'est vrai qu'on a accès en fait, à cette plateforme avec l'abonnement de la médiathèque, c'est compris dedans. Alors, on peut trouver aussi, puisqu'il nous a parlé qu'il y a une belle collection de CD, de disques, des musiques de films plutôt à la médiathèque. On en trouve et par contre, on a du mal à renouveler ce fonds. Par exemple, récemment, il y a le film Perfect Day. Et j'avais trouvé que le personnage principal, j'aimais bien sa bande-son. Donc, je me suis dit, tiens, c'est super, il faut qu'on l'ait à la médiathèque parce que la musique est très importante dans ce film. Et en fait, elle n'existe pas tout simplement puisqu'en fait, elle sort de moins en moins. Donc, je trouve ça assez dommage, mais effectivement, on trouve de moins en moins des BO de films. Oui, c'est vrai que c'est très dur à trouver. Enfin, je vois même nous, pour préparer à l'émission, des fois, on dit, tiens, on mettrait bien tel. Et c'est une galère, des fois, pour vraiment faire un parcours du combattant pour arriver à trouver des morceaux. Mais donc, il y a quand même, pour avoir été à la médiathèque, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de musique de film et des compilations pour ceux qui... Oui, aussi, ouais. Ça permet de se balader aussi dans le temps, hein, de se dire, tiens... après, c'est ce que je disais, les compilations, c'est comme les films. Des fois, il y a des bonnes compilations avec une bonne orchestration. C'est vrai. Et des fois, c'est dû à peu près. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir déjà une idée de la musique d'un film. Ah ben oui, tiens, ça me rappelle tel film. C'est ça. Eh bien, je te propose justement une petite dernière pause musicale avec la bande originale de Bay et King. Un film qui avait été inspiré par un roman, celui de Stephen King, le fameux Stand by Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I Just as long as you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Après cette petite pause musicale avec Stand By Me, tu me disais tu aimais les films sur l'amitié. Je pense que là, Stand By Me, c'est vraiment un parcours initiatique d'une bande d'amis. Un thème d'ailleurs très cher à Stephen King en général, les bandes de copains. Alors, maintenant, tu vas nous présenter un petit peu les animations proposées autour du cinéma dans la médiathèque et au cours de l'année, ce que vous faites ou ce que vous avez déjà fait. Alors, on essaye de proposer plusieurs projections, autant pour les adultes que pour la jeunesse. C'est vrai que la majorité sont quand même pour la jeunesse, mais après, ça dépend des thèmes qu'on aborde. Mais on essaye voilà, de proposer des projections ou des lectures-projections. Et Nicolas, donc mon collègue, sensibilise également les scolaires, en fait, avec des séances de découverte, par exemple, de films d'animation, en montrant les différentes techniques, etc. Donc, il y a aussi cette sensibilisation dès le plus jeune âge. Mais ça passe évidemment. Alors après, on a plein d'idées. Hein. On voudrait proposer d'autres animations, mais pour l'instant, ce sera plutôt des projections. Voilà. Vous envisagez des projections à thème, par exemple ? Parce que là, donc, tu nous parlais surtout de l'initiation, le public jeune aussi, mais vers le public ado ou adulte, est-ce que vous envisagez de faire des soirées ou des après-midi à thème, par exemple, sur un... On tente de temps en temps. Après, ça marche pas trop. C'est un peu compliqué. Après, on n'a pas des conditions non plus optimales. On n'a pas un auditorium avec... C'est vrai que c'est important aussi d'avoir des bonnes conditions pour voir un film. Mais ça nous est arrivé, en lien avec des expositions qu'on proposait, de proposer une projection. Plutôt sur des choses qu'on trouve moins facilement. Enfin, on se dit, voilà, l'intérêt en médiathèque, c'est de... Comme le mois du film, le documentaire, on a participé d'aller sur des choses qui sont un peu plus confidentielles pour aiguiser la curiosité. Ouais. Je pensais des fois à des thèmes, je parle d'Harry Potter par exemple, mais après c'est peut-être une question de droit aussi, je ne sais pas, par exemple je sais que c'est assez dur, par exemple dans les centres de loisirs ou faire une projection privée tout de suite, je pensais à l'Algérie à une époque, Radioactive était associé et c'était les assos qui faisaient un espèce de ciné-club et c'était visiblement les droits étaient, pour chaque film étaient vraiment... Faut pas dire faramineux, mais c'est incroyable. Et je trouve qu'il y a besoin aussi pour la culture pour tous, de ces droits de cinéma, un petit peu les baisser, parce que bon, il y a un petit peu d'abus. Quand on sait que ça va dans les poches des producteurs, Ouais, non, c'est sûr, c'est pas toujours évident. Après, c'est vrai que ça nous arrivait de vouloir diffuser un film où évidemment on n'a pas les droits parce qu'on a les droits de prêt et de consultation, ou les droits de prêt uniquement. Donc là, évidemment, on est un peu bloqué parfois par la loi, clairement. Voilà, donc faudrait qu'elle évolue cette loi aussi. C'est pour moi, comme je dis, je suis pour la culture pour tous. Bon, arrivé à un moment, c'est bien de présenter. Si, on parlait surtout des films anciens, ou enfin pas si anciens que ça, mais des films d'une quarantaine d'années, comme ça. On le fait très bien pour les livres, on pourrait le faire aussi. Mais il y Tout a à le droit fait. d'auteur, c'est normal. Mais bon, à un moment, si on veut que tout le monde accède à la culture, faut aussi financièrement que tout le monde puisse y accéder. Bien sûr. Et qu'aussi les médiathèques et tous les espaces sociaux, puisque c'est aberrant, par exemple, un centre de loisirs, on demande de faire Oui. payer des droits, ou Non, les c'est pas hôpitaux. normal. Voilà. Non, Donc, c'est sûr. nos petit appel à nos politiques, hein, c'est bien de temps en temps. Ils parlent de culture, de blablabla, de décoration et compagnie. Ça serait bien de temps en temps de faire quelque chose pour les spectateurs et les auditeurs, hein, c'est quand même eux qui font vivre tout le reste. Alors maintenant, pour clôturer cette émission, je vais te proposer de nous présenter un petit peu. Imaginons que quelqu'un arrive. Comment il fait pour s'inscrire à la médiathèque et qu'est-ce qu'il peut y trouver? Alors déjà, je tiens à rappeler que l'accès à la médiathèque est libre et gratuit, c'est-à-dire qu'on peut venir à la médiathèque et ne pas emprunter, et du coup profiter de toutes les ressources gratuitement, donc lire la presse, écouter de la musique, aller sur Internet, donc ça c'est essentiel. Par contre, c'est vrai que si on veut ramener des documents chez soi, évidemment, ben là, il y a un droit d'emprunt. Donc effectivement, pour les enfants, c'est gratuit, donc ça c'est essentiel aussi. Pour les adultes, ça va dépendre s'ils habitent Mont-Louis ou pas, il y a une petite différence financière, mais ça reste quand même que c'est moins que le prix d'un livre pour l'année, donc ça reste abordable. On peut emprunter tous les documents qu'on veut. C'est des BD, ça va être des revues, des romans, des CD, des DVD et bientôt des jeux vidéo. Puis en quantité. Oui, parce que c'est 20 documents, donc ça permet quand même voilà, de trouver quand même. Ouais, surtout pour les enfants, parce que c'est surtout les enfants qui empruntent plein de BD ou des mangas. Mais voilà, ça permet quand même d'emprunter un certain nombre de documents. Et on peut également jouer sur place à la médiathèque, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société. Donc les gens peuvent aussi venir profiter de l'espace. Oui, j'ai vu que récemment, enfin, c'est depuis l'année dernière, je Oui, crois. c'est ça. Que vous êtes associé avec. L'association Dans le Blanc des Jeux pour les jeux de société et l'espace jeux vidéo, c'est nous qui l'avons mis en place, donc qui fonctionne plutôt bien. Et là, c'est vrai que le prêt de jeux vidéo va être aussi un moyen de permettre, toujours dans nos missions, en fait, l'accès aux ressources, parce que c'est des ressources qui coûtent cher. Un jeu vidéo, ça coûte cher, donc voilà, de pouvoir aussi en emprunter régulièrement à la médiathèque. Mais c'est vrai que la somme est modique, hein. Comme tu le disais si bien. C'est 10 euros pour l'année, donc ça reste quand même, Quand on on connaît le prix essaye. d'un livre ou d'une BD, ça, une BD par exemple, souvent on la lit une fois. C'est ça. Un livre, ça arrive qu'on le relive, mais une BD, puis pareil, l'avantage c'est qu'on peut le lire, et si on n'a pas aimé, bah, Ah bah oui, c'est ça, oui, on a moins de regrets, on n'a pas de on regret, quoi. arrête, Je veux dire, ouais. derrière, bah voilà, ça. Bon, puis j'essaye un autre livre, ou j'essaye une autre BD, ou je loue un. Et puis, le fait aussi d'avoir un petit peu centralisé, puisqu'il y a vraiment au niveau média, il y a vraiment de tout, quoi. Bah, c'est ce qu'on souhaite parce que beaucoup de médiathèques aujourd'hui ouvrent sans CD, sans DVD. Alors que bon, moi je suis plutôt partagée parce que je trouve que c'est des fonds qui fonctionnent encore, notamment les films, hein, là, puisqu'on est dans une émission sur le cinéma. Tout le monde n'a pas accès aux plateformes ou autres. Alors le problème, c'est qu'on est de moins en moins équipés pour voir des DVD. Et l'année prochaine, on va essayer de proposer au prêt aussi du matériel, en fait, juste voilà, un lecteur pour brancher sur son portable et pouvoir voir des films et donc profiter des ressources parce qu'effectivement, voilà, c'est aussi le problème que ben, même dans les voitures, on ne peut plus écouter de musique. Enfin, c'est. Et puis le fait aussi, en tant que grand amateur de cinéma, c'est que c'est bien la numérisation actuellement, ou le streaming, mais on met souvent des choses qui marchent. C'est-à-dire qu'on ne numérise pas des anciennes copies de films C'est ça. parce que ça ne va pas rapporter. Et puis, y a aussi donc le... on perd un petit bah, peu tout, perd. Toute cette histoire du cinéma. Et puis il y a des fois, sur une plateforme, on est en train de regarder une série et puis en fait, tout à coup, bah, en fait, non, elle est arrêtée parce que du coup, et donc en fait, on peut se retrouver qu'on n'a plus accès à des ressources parce qu'à terme, on ne sait pas en fait ces ressources. Oui, parce que ça se balade accès... du... on ne va pas citer tout... Non. Maintenant, c'est devenu un business. Au départ, on avait accès, c'était très bien avec les plays. Et maintenant, bah, si on n'est pas sur machin ou machin ou machin ou machin... Bah, c'est ça. Donc, on multiplie financièrement les abonnements. Ah bah, oui. Et on sait qu'actuellement, bah, c'est dur et malheureusement, c'est la culture qui va en pâtir derrière les gens. Quoi. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est important de proposer encore ces ressources. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Les DVD sortent, voilà. Donc, je suis fervent défenseur de ça parce qu'on entend des gens, oui, streaming. Oui, mais derrière, on l'a vu, l'attrait par exemple du CD vinyle qui revient. Parce que tout est une question de mode et puis les gens ont envie de toucher, de voir des choses aussi. Après, c'est bien, mais on doit... Je pense que c'est le rôle aussi oui, des médiathèques de présenter tout ce qui peut être présenté. Après, il y a la limite budgétaire, ça, on la comprend. Bien sûr. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, bah, accéder à la culture. Quoi, bah, c'est la complémentarité des fonds, puisqu'en fait, on voit bien que quand le livre numérique est arrivé, on s'est dit « Ah, bah, c'est la fin du livre papier ». Alors qu'en fait, non, ça, c'est juste qu'en fait, il y a des supports différents et ça donne différents accès. Tout le monde a envie d'avoir son livre à la maison ou toucher son livre, aller à la plage. Bon, c'est bien avec une tablette, mais avec le sable. C'est tout bête hein, ce que je dis, mais c'est une question de bon sens comme d'habitude. Bah voilà, je pense que les supports, c'est bien qu'il y ait du numérique, du physique, et les deux en fait cohabitent plutôt bien ensemble. Donc... Oui, bah faut au contraire, plus on a d'accès à la culture, c'est le but du jeu des bibliothécaires, des médiathécaires en général, ludothécaires, d'amener les gens et leur faire découvrir des choses. Et au niveau des animations, est-ce que vous présentez d'autres choses, des collaborations, je sais aussi, avec des assos de Mont-Louis ou des choses comme ça? Alors, on propose beaucoup d'animations, on a environ 70 animations par an et on essaye de toucher tous les publics. Alors, on a un axe très fort là sur la petite enfance, les 0-3 ans, puisqu'il y a une véritable demande. Donc, on a beaucoup d'animations pour ce public. Mais c'est vrai qu'on va proposer autant des spectacles, des lectures, ça va être des rencontres avec des auteurs. Là, par exemple, ce soir, on a une nouvelle rencontre. On essaye aussi d'avoir des interférences avec la saison culturelle. Par exemple, moi, je trouve que c'est très important, avant d'aller voir un spectacle, de pouvoir peut-être rencontrer le comédien. Voilà, c'est tout simplement. Donc, c'est en fait plein de choses. On a aussi Radioactive qui vient des fois à la médiathèque pour des émissions radio. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et c'est vrai qu'on essaye de travailler avec un maximum d'associations et qu'on a un territoire qui est assez riche à ce niveau-là. C'est une chance. Il y a beaucoup de partenariats. Oui, puis bon, j'espère que ça continuera. Et puis, notamment Cinéphage, faut pas hésiter. Si des gens veulent participer à l'émission comme tu l'as fait aujourd'hui, ça sera avec grand plaisir. Tu peux leur dire que nos locaux leur sont ouverts et que tu en es la preuve aujourd'hui. On mange personne à Radioactive. Non, c'est très sympa. Eh bien, maintenant, je vais te proposer un petit peu les événements ciné qui vont avoir lieu dans quelques semaines, voire quelques jours, avec cette partie événements ciné. Eh bien, à signaler une séance spéciale Les Saisons d'Anabi au CGR Centre. Et ça sera avec le film Le Jardin de Zen le 28 novembre à 18h55. On a Égoïste le 29 novembre à 19h40. En boucle le 30 novembre à 17h45. Le Joueur de Go le 1er décembre à 18h45. Jusqu'à l'aube le 2 décembre à 18h55. Et un film surprise Saison Anabi 2024 qui sera le 3 décembre à 19h10. Alors ça, les séances Anabi, c'est des séances sur le cinéma japonais en général, avec des films traditionnels et d'autres moins connus. Bon, Le Joueur de Go, par exemple, est le plus connu, je pense, des films que je viens de citer. Alors donc ça, c'est une des volontés. On a eu récemment la direction des CGR Centre qui ont fait notre émission et qui nous ont dit, bah oui, on tient aussi à faire des soirées spéciales et ça marche très bien puisque les gens vont découvrir ou redécouvrir des classiques du cinéma. Ensuite, on a Jusqu'à l'aube, ça sera le 2 décembre à 18h55, donc comme je disais, le film surprise, on ne sait pas, mais ça risque d'être aussi un classique. Il y a toujours ce côté un petit peu finir une série par une petite surprise, ça. Ils aiment bien aussi nous surprendre de temps en temps. Il y a aussi des séances jeunes publics, donc c'est L'hiver d'Edmond et Lucie, ça sera le 30 novembre, le 1er décembre, le 4 et le 7 et 8 décembre à 10h50, toujours au CGR Centre. Une avant-première, Jamais sans mon psy, le 29 novembre 2024 à 19h15, ça sera au CGR de Lyon. Et puis, une soirée T-West au Cinéma Studio le samedi 30 novembre à partir de 17h avec les films X, le film Pearl et Maxine. Alors, Élodie, je ne te les conseille pas forcément, ça tire vers le film d'horreur. Donc, il y a quelques scènes un peu. Mais bon, les studios aussi essayent d'avoir un public un petit peu plus jeune. Donc, ça fait partie. Et comme bon, ils sont aussi éclectiques, ils essayent aussi d'amener un public divers. Et aussi, il y aura la projection du film « Nous n'avons pas peur des ruines » avec la présence du réalisateur Yanis Yulentas. Et ça sera le dimanche 1er décembre à 10h45 au studio. Donc c'est toujours aussi intéressant. Quand il y a les réalisateurs, il y a souvent un échange. Et ça, c'est souvent, c'est après le film. Donc on a eu la projection, on a le temps un petit peu à chaud de pouvoir poser des questions. Je vous conseille d'aller dans nos cinémas partenaires parce que bon, le live c'est bien, la télé c'est ça peut être sympa, mais certains films demandent le grand écran et puis c'est toujours bien de pouvoir échanger et de voir autre chose que rester chez soi avec son sofa et sa télé en face. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, donc les CGR Centre et de Lyon de Tours et les studios. Et pour cela, n'hésitez pas à retrouver tout cela sur leurs sites respectifs. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial Médiathèque de Montlouis. Un grand merci à Élodie. Et puis aussi à Marlène, à la technique. N'hésitez pas à nous contacter sur Radioactive, comme je l'ai précisé, si vous souhaitez devenir l'invité de Cinéphage. Nous nous retrouverons bientôt sur notre antenne pour un prochain Cinéphage, en alternance avec l'autre émission qu'on fait sur les séries, qui s'appelle Sérivore. En attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les Cinéphages.